dans un vieux tas italien de la communauté. Des pantins à tête de bois se produisent en aparté. Ils sont suspendus par des liens, harmonisés par des artistes dans les mouvements adroits. Nous rappelle les guitaristes. Hoppa! Les enfants, venez nous voir. Le spectacle est devant vous. Des marionnettes qui jouent comme chante une guitare. Les déboires de Polichinelle qui ne retrouve plus sa voiture. Quelqu'un me l'a donc volé. Un saligo, ça s'est su. Mais elle est là, Ludico Viel. Seulement il manque le cheval. Ah, que ferais-je sans monture? Certainement moins de cavale. Le spectacle est devant vous. Des marionnettes qui jouent comme chante une guitare. Alors le gendarme entre en scène. Oh, vous folie de calèche. Par la loi, je vous arrête. Bien que rien ne vous empêche, il faut certes que je vous prévienne, car nous sommes pour des voleurs. La voiture est en fait. Ah oui, en panne de moteur. Les enfants, venez nous voir. Le spectacle est devant vous. Des marionnettes qui jouent comme chante une guitare. Manque de preuves, nos hommes s'en va. Certes, il nous a bien mal perçu. Quoi, ce brigand, ce vandale, et ce qui est préconçu. Voyons que faire dans l'immédiat. Surtout qu'elle pourrait un harnacher. Prenez la place du cheval, je prendrai les scènes du cocher. Les enfants, venez nous voir, le spectacle est devant vous. Des marionnettes qui jouent comme chante une guitare. Dans un vieux théâtre italien de la Comédia dell'Arte, des pantins à tête de bois se produisent en aparté. Ils sont suspendus par des liens, harmonisés par des artistes dont les mouvements adroits nous rappellent les guitaristes. Hop! Les enfants, venez nous voir, le spectacle est devant vous. Des marionnettes qui jouent comme chante une guitare.